Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. Tout commença par un enlèvement, celui d'Hélène, la femme de Ménélas, roi de Sparte, par le Troyen Paris. Et cela faisait maintenant presque 10 ans que les Achéens, venus reprendre Hélène à son ravisseur, affrontaient les Troyens devant leurs murs. Aiguillonné par un rêve divin, Agamemnon a décidé de prendre Troie. Mais une fois arrivé devant les portes de la ville, les Achéens ont vu Hector, le chef de l'armée troyenne, leur proposer un pacte. Paris se battrait en duel contre Ménélas, à qui il a volé sa femme Hélène. À l'issue de ce duel, la paix serait enfin scellée. Agamemnon a accepté le marché. Alors que tous les soldats rêvent déjà du moment où ils fêteront la fin des combats, Paris, sur le point d'être défait par Ménélas, a pris la fuite pour aller retrouver Hélène. Troisième épisode. Pandaros est né. Mon nom est Pandaros. Ma ville, Zéléia. Quand je partis pour défendre Troie, mon père, Lycaon, me dit « Prends un char et des chevaux pour mener nos gens à la bataille. » Nous avions dans notre palais splendide 11 chars, tout neufs, très beaux, et pour chaque char, des chevaux nourris à l'orge blanche et à l'épeautre. Mais je ne les pris pas avec moi. Je n'écoutais pas mon père, et je m'enfus à la guerre avec seulement mon arc et mes flèches. Les chars étaient trop beaux pour finir dans une bataille, et les bêtes, je le savais, n'auraient fait que souffrir de la fatigue et de la faim. Ainsi, je n'eus pas le cœur de les emmener. Je partis avec mon arc et mes flèches. À présent, si je pouvais revenir en arrière, je briserais cet arc de mes propres mains et je le jetterais dans le feu pour qu'il y brûle. C'est en vain que je l'ai emporté, et triste a été mon destin. Paris venait de disparaître dans le néant, et les armées se regardaient, muettes, sans comprendre quoi faire. Le duel était-il terminé? Ménélas avait-il vaincu? Ou Paris allait-il revenir combattre? Ce fut à ce moment-là que Laodocos, fils d'Anténor, s'approcha de moi et me dit « Hé, Pandaros, pourquoi ne prends-tu pas une de tes flèches pour frapper Ménélas, là, maintenant, par traîtrise? Il est là, au milieu, sans défense. Tu pourrais le tuer, tu en es capable. Tu deviendrais le héros de tous les Troyens. Et Paris, je crois, te couvrirait d'or. Y penses-tu ? » J'y pensais. Alors je pris mon arc. Il était fait des cornes d'un bouquetin, un animal que j'avais chassé moi-même. Je l'avais abattu en le frappant sous le poitrail, alors qu'il bondissait d'un rocher, et avec ses cornes, longues de 16 palmes, j'avais fait fabriquer mon arc. Je l'appuyai à terre et le pliai pour attacher la corde, faite d'un nerf de bœuf, à l'anneau d'or fixé à une extrémité. Mes compagnons, autour de moi, durent comprendre ce que j'avais en tête car ils levèrent leurs boucliers pour me cacher et me protéger. J'ouvris mon carquois et pris une flèche neuve et rapide. Pendant un instant, j'adressai une prière à Apollon, le dieu qui nous protège, nous, les archers. Puis je pinçai ensemble la flèche et le nerf de la corde et le tendis jusqu'à ce que ma main droite soit contre ma poitrine et que la pointe de la flèche s'arrête sur l'arc. Avec force, je courbai la corne de bouquetin et tendis le nerf de bœuf jusqu'à former un cercle. Alors je tirai. La corde siffla, et la flèche à la pointe acérée vola haut, au-dessus des guerriers, rapide. Elle frappa Ménélas, à l'endroit où les fermoirs d'or soudent la cuirasse à la ceinture. La pointe pénétra à travers les ornements, perça la bande de cuir qui protège l'abdomen, et atteignit enfin la chair de Ménélas. Le sang commença à couler sur ses cuisses, le long de ses jambes, jusqu'à ses belles chevilles. Ménélas frissonna à la vue de ce sang noir, et son frère Agamemnon aussi, qui se précipita vers lui. Il le prit par la main et se mit à pleurer. « Mon frère, disait-il, ne t'ai-je pas envoyé à la mort en passant avec les Troyens un pacte stupide et en te faisant combattre seul et sans défense sous nos yeux ?» Et maintenant, les Troyens, qui pourtant avaient juré, ont tiré sur toi, foulant aux pieds nos pactes. » Il pleurait, Agamemnon. Il disait, « Ménélas, si tu meurs, je mourrai de douleur. Aucun Achéen ne restera plus ici pour combattre. Nous laisserons ton épouse Hélène à Priam, et je devrai rentrer en Argos couvert de honte. Tes os pourriront ici, sous les murs de Troie, et les Troyens, arrogants, les piétineront en disant, « Où est-il, Agamemnon, le grand héros qui a mené l'armée achéenne jusqu'ici pour s'en retourner ensuite chez lui avec ses navires vides, laissant son frère sur le champ de bataille ? Ménélas, ne meurs pas. Si tu meurs, la terre s'ouvrira devant moi. » N'aie pas peur, Agamemnon, lui dit alors Ménélas, et n'effraie pas les Achéens. Tu le vois, la pointe de la flèche n'est pas tout entière dans la chair. Elle dépasse encore de la peau. La cuirasse d'abord, puis la ceinture l'ont freinée. Ce n'est qu'une blessure. Oh, puisses-tu être dans le vrai, dit Agamemnon. Puis il ordonna qu'on fasse venir Macaon, fils d'Asclépios, qui était célèbre comme médecin. Les héros le trouvèrent au milieu de l'armée, parmi les siens, et le conduisirent là où gisait le blond Ménélas, blessé. Autour de lui se trouvaient tous les meilleurs guerriers achéens. Macaon se pencha sur Ménélas. Il retira la flèche de la chair, regarda la blessure, puis il en suça le sang et habilement y appliqua les remèdes apaisants qu'autrefois le centaure Chiron, par amitié, avait donnés à son père. Tous entouraient encore Ménélas quand nous, les Troyens, nous commençâmes à avancer. Nous avions tous repris nos armes et dans notre cœur n'avions comme seul désir que de livrer bataille. Nous entendîmes Agamemnon alors hurler aux siens « Argiens, reprenez courage et force. Zeus n'aide pas les traîtres, et ceux que vous avez vus violer les pactes finiront dévorés par les vautours, tandis que nous, nous emporterons sur nos navires leurs épouses et leurs enfants après avoir conquis la ville. » Ce n'était plus l'Agamemnon hésitant et plein de doutes que nous connaissions. Celui-là était un homme qui voulait la gloire de la bataille. Nous avançâmes en criant. Nous étions de terres et de peuples différents, et chacun criait dans sa langue. Nous étions un troupeau d'animaux, avec 1000 voix différentes. Les Achéens, eux, avançaient en silence. On entendait seulement la voix des chefs, qui donnaient les ordres, et c'était incroyable de voir tous les autres obéir, craintifs, sans un mot. Ils venaient vers nous, comme les vagues vers les récifs. Leurs armes brillaient comme l'écume de la mer qui jaillit sur la crête de l'eau. Quand les deux armées se rencontrèrent, il y eut alors grand fracas de boucliers et de lances, et fureur d'hommes en armes dans leurs cuirasses de bronze. Les boucliers de cuir bombaient, s'entrechoquaient, et des hurlements s'élevaient, tissés de joie et de douleur, des morts et des vivants, mêlés en un même et immense tumulte dans le sang qui inondait la terre. Le premier qui tua fut Antilochos. Il projeta sa lance contre Échépolos et l'atteignit en plein front. La pointe de bronze pénétra dans l'os du crâne, sous le casque à crinière. Échépolos tomba comme une tour au milieu de la mêlée brutale. Alors Éléphénor, chef des abandes intrépides, le saisit par les pieds et voulut le tirer hors de la mêlée pour lui arracher ses armes au plus vite. Mais entraînant le cadavre, il dut se découvrir sur le côté, et c'est là où son bouclier n'arrivait pas qu'Agénor le frappa. La lance de bronze pénétra dans sa chair et avec elle emporta sa force. Sur son corps, une lutte effroyable se déchaîna entre les Troyens et les Achéens. C'était comme des loups qui se jettent les uns sur les autres et s'entretuent pour une proie. Ajax de Télamon alors frappa le jeune fils d'Anthémion, Simoïsios. Il le frappa à droite, à la poitrine. La lance de bronze traversa l'épaule de part en part. Il tomba dans la poussière, par terre, le héros, comme une branche coupée laissée assécher sur le bord d'un fleuve. Ajax était en train de le dépouiller de ses armes quand un fils de Priam, Antiphos, le vit et de loin projeta sur lui sa lance. Il manqua Ajax, mais par hasard atteignit Leucos, un des compagnons d'Ulysse. Il était en train de traîner un cadavre quand la pointe de bronze lui transperça le ventre. Il tomba, mort, sur le mort qu'il tenait par les bras. Ulysse le vit tomber, et la colère gonfla son cœur. Il avança jusqu'au premier rang, regarda autour de lui, comme s'il cherchait une proie. Les Troyens qui étaient en face de lui reculèrent. Il leva sa lance et la jeta à travers les airs, puissante, rapide. Il atteignit Démochon, un bâtard de Priam. La pointe de bronze pénétra dans sa tempe et traversa son crâne de part et d'autre. L'ombre descendit sur ses yeux. Et le héros s'écroula à terre. Retentit sur lui son armure. Lentement, la bataille commença à tourner en faveur des Achéens. Leurs princes, l'un après l'autre, défiaient les nôtres et chaque fois étaient vainqueurs. Le premier, Agamemnon, seigneur de peuple, jeta à bas de son char le chef des Alizones, le grand Odios. Et pendant qu'Odios tentait de fuir, il le transperça d'un coup de lance dans le dos et tomba le héros avec fracas. Et ses armes retentirent sur lui. Ménélas, fils d'Atrée, frappa de sa lance Camandrios, fils de Strophios. C'était un chasseur extraordinaire. On aurait dit qu'il avait appris d'Artémis elle-même à frapper les bêtes féroces qui vivent dans les forêts et sur les montagnes. Mais aucun dieu ne l'aida ce jour-là, pas plus que ne le sauvèrent ses flèches mortelles. Ménélas, à la lance glorieuse, le vit qui fuyait, et il l'atteignit entre les épaules, lui traversant la poitrine. Il tomba en avant, le héros, et ses armes retentirent sur lui. Mérion tua Phéréclos, celui qui avait construit les navires parfaits de Paris, commencement de tous les malheurs. De ses mains, il savait forger toutes les choses parfaites. Mais il le poursuivit, Mérion, et le frappa à la fesse droite. La pointe de la lance passa de part en part, sous l'os, déchirant la vessie. Il tomba à genoux, le héros, dans un cri, et la mort l'enveloppa. Nous fuyons, et en fuyant, nous trouvâmes la mort. Le pire arriva quand apparut Diomède, le fils de Tidée, au cœur de la mêlée. Diomède, valeureux prince achéen. Ses armes resplendissaient sur ses épaules et sur sa tête. Il brillait comme l'astre d'automne brille en sortant de l'océan. Il était descendu de son char et se ruait dans la plaine comme un torrent en crue, gonflé par les pluies. Et l'on ne comprenait pas s'il était parmi les Achéens ou parmi nous, les Troyens. C'était un fleuve qui avait rompu ses digues et courait à vive allure, en détruisant tout autour de lui. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Je le voyais combattre, et c'était comme si un dieu avait décidé de combattre à ses côtés. Alors, je pris mon arc, encore une fois. Je tendis le nerf de bœuf, de toute ma force, et je tirai. Je le frappai à l'épaule droite, sur le plastron de la cuirasse. La flèche entra dans sa chair et la traversa de part en part. Sa cuirasse se tacha de sang. Je criai « À l'attaque, Troyen. Diomède est blessé, je l'ai touché. Mais je vis qu'il ne pliait pas, qu'il ne tombait pas. Il se fit arracher la flèche de l'épaule par un de ses compagnons. Le sang jaillit sur la cuirasse et tout autour. Puis je le vis revenir dans la mêlée pour me chercher, comme un lion qui, blessé, ne meurt pas, mais voit tripler sa fureur. Il bondit sur les Troyens comme sur un troupeau de brebis terrorisées. Je le vis tuer Astynoos et Hyperon. Le premier, il le frappa à la poitrine avec sa lance. Au second, il trancha le bras avec son épée. Il ne s'arrêta même pas pour prendre leurs armes et se mit à poursuivre Abas et Polyidos. C'étaient les deux fils de Rhidamas, un vieil homme qui savait interpréter les rêves. Mais il ne sut pas lire ceux de ses fils le jour où ils partirent, et Diomède les tua tous les deux. Je le vis courir sur Xanthos et Toon, les seuls fils qu'avait le vieux Phainops. Diomède les lui enleva, le laissant seul avec ses larmes et son deuil. Je le vis abattre Échémon et Chromios, deux fils de Priam. Il bondit sur leurs chars comme les lions se précipitent sur les taureaux pour leur briser le cou, et il les tua. Ce fut alors qu'Énée vint me chercher. « Pandaros, me dit-il, où est donc passé ton arc? Où sont tes flèches ailées et ton renom? L'as-tu vu, cet homme qui fait rage dans la mêlée en tuant tous nos héros? C'est peut-être un dieu en colère contre nous. » Prends une flèche et frappe-le comme toi seul sais le faire. Je ne sais pas si c'est un dieu, répondis-je, mais moi, ce casque à crinière et ce bouclier et ces chevaux, je les connais, ce sont ceux du fils de Tidée, Diomède. Je lui ai bien tiré une flèche, mais elle l'a atteint à l'épaule et il est revenu au combat. Je croyais l'avoir tué et au contraire, ce maudit arc fait couler le sang des Achéens mais ne les tue pas. et je n'ai pas de chevaux ni de chars sur lesquels monter pour combattre. » Alors Aîné me dit « Combattons ensemble. Monte sur mon char, tiens les rênes et le fouet et amène-moi près de Diomède. Je descendrai du char pour me battre avec lui. » « Si jamais nous étions obligés de fuir, lui répondis-je, les chevaux nous emporteront plus rapidement si c'est ta voix qui les guide. Conduis toi-même ton char et laisse-moi la charge, à moi et à ma lance, de combattre. » Ainsi, nous montâmes sur le char splendide et, plein de fureur, nous lançâmes nos chevaux rapides contre Diomède. C'étaient les meilleurs chevaux qu'on eût jamais vus sous la lumière du soleil. Ils étaient d'une lignée que Zeus lui-même avait créée pour en faire don à Tros. Ils étaient terrifiants à la bataille. Mais il ne s'effraya pas, Diomède. Il nous vit arriver et ne se sauva pas. Quand nous fûmes devant lui, je hurlai « Diomède, fils de Tidée, tu n'as pas plié sous mon trait rapide, ma flèche amère. Alors c'est ma lance qui te fera plier. » Et je tirai. Je vis la pointe de bronze traverser son bouclier et atteindre sa cuirasse. Alors je criai de nouveau « Je suis vainqueur, Diomède. Je t'ai frappé au ventre, je t'ai transpercé de part en part. » Mais lui, sans peur, « Tu crois m'avoir touché ?» me dit-il. « Mais tu as raté ta cible. Et maintenant, tu n'en sortiras pas vivant. » Il leva sa lance et la projeta. La pointe de bronze pénétra près de l'œil et traversa les dents blanches, trancha net la langue à la base et ressortit par le cou. Et moi, je tombai du char. Moi, un héros. Et sur moi retentirent mes armes étincelantes, resplendissantes. La dernière chose dont je me souvienne, ce sont les chevaux rapides, terribles, qui font un écart brusque, énervé. Puis la force m'abandonna, et avec elle, la vie. Il tomba, Pandaros, le héros. Je savais que je devais l'emporter loin de là, que je ne devais pas laisser les Achéens prendre son corps et ses armes. Alors je sautai du char et me mis debout, près de lui, brandissant ma lance et mon bouclier et criant contre tous ceux qui approchaient. Je vis Diomède devant moi. Il fit une chose incroyable. Il souleva une pierre que deux hommes, je vous le jure, n'auraient pas pu soulever. Et il le fit pourtant. Il la souleva au-dessus de sa tête et la lança sur moi. Il m'atteignit à la hanche, là où la cuisse tourne. La pierre tranchante me déchira la peau et m'arracha les tendons. Je tombai à genoux. Je m'appuyai au sol de la main. Je sentis une nuit sombre descendre sur mes yeux. Je sentis que Diomède se ruait sur moi pour me tuer et m'arracher mes armes. Par trois fois, je le sentis qui arrivait. Et pourtant, j'étais toujours vivant. Il combattait autour de moi mes compagnons, et il lui criait « Diomède, pour qui te prends-tu, un dieu immortel ?» J'entendis la voix d'Acamas, qui était le chef des Thraces, hurler « Fils de Priam, ne le voyez-vous donc pas qu'Aîné a besoin de vous? Jusqu'à quand permettrez-vous que les Achéens tuent vos hommes? Allez-vous les laisser vous poursuivre jusque sous les murs de la ville ?» Et pendant que quelqu'un me tirait en arrière, j'entendis la voix de Sarpédon, le chef des Lyciens, qui criait « Hector, où est parti ton courage? Tu disais que tu sauverais la ville sans avoir besoin d'alliés, tout seul, toi et tes frères. Mais moi, ici, je ne vois aucun de vous combattre. Vous restez terrés comme des chiens autour d'un lion. Et c'est nous, vos alliés, qui devons mener la bataille. Regarde-moi, je viens de très loin. Je n'ai rien ici que les Achéens pourraient me prendre et emporter. » Et pourtant, j'encourage mes soldats pour qu'ils défendent Aîné et se battent contre Diomède, alors que toi, tu ne bouges pas, tu n'ordonnes pas à tes hommes de résister. Vous finirez par être la proie de vos ennemis, vous et votre ville. » Quand je rouvris les yeux, je vis Hector sauter de son char et brandir ses armes et appeler les siens à la bataille. Les paroles de Sarpédon avaient mordu son cœur. Ce fut lui qui ralluma l'âpre bataille. Les Troyens se lancèrent enfin contre les Achéens. Les Achéens les attendaient, blancs de la poussière que les sabots des chevaux soulevaient vers le ciel. Ils attendaient sans peur, immobile comme les nuages que Zeus rassemble sur les cimes d'une montagne par une journée tranquille. Je suis aîné et je ne peux pas mourir. Voilà pourquoi je me retrouvais à nouveau dans la bataille, blessé mais pas mort, sauvé par le pan du péplos éclatant d'un dieu, caché à mes ennemis, puis poussé encore une fois au cœur de l'affrontement, devant Créton et Orsilochos, valeureux guerriers qui, dans la fleur de leurs années, suivirent les Achéens sur leur noir navire pour l'honneur d'Agamemnon et Ménélas. Je les tuai avec ma lance. Ils tombèrent comme de hauts sapins. Il les vit tomber, Ménélas, et il eut pitié d'eux. Revêtu de bronze étincelant, il s'avança vers moi en agitant sa lance. Vint aussi Antilochos pour l'aider. Quand je les vis ensemble, je reculai. Ils arrivèrent près des corps de Créton et d'Orsilochos. Ils les prirent, les déposèrent dans les bras de leurs compagnons, puis se jetèrent à nouveau dans la mêlée. Je les vis attaquer Pylaïménès. Il combattait sur son char pendant que son aurige Midon guidait ses chevaux. Ménélas le transperça de sa lance et le tua. Midon essaya d'éloigner le char, mais Antilochos l'atteignit au coude avec une pierre, et les rênes blanches ornées d'ivoire lui échappèrent des mains et tombèrent dans la poussière. D'un bond, Antilochos le frappa à la tempe avec son épée. Midon tomba du char, les chevaux le firent rouler au sol. Alors arriva Hector, entraînant avec lui tous les Troyens. Ils le virent arriver, les Achéens, et ils commencèrent à reculer, effrayés. Hector tua Ménestès et Ankylos, sans réussir pourtant à emporter leurs cadavres. Et Ajax tua Amphios, mais ne put lui arracher ses armes. Face à face se retrouvèrent Sarpédon, chef des Lyciens, et Tlépolème, fils d'Héraclès, noble et grand. Leurs lances partirent en même temps. Tlépolème fut frappé en plein cou. De part en part passa la pointe amère. Sur les yeux du héros descendit la nuit sombre. Et Sarpédon fut frappé à la cuisse. La pointe de bronze, avide, pénétra jusqu'à l'os. Ses compagnons le prirent, sans même lui arracher la lance de la chair. La longue lance pesait, mais ils l'emportèrent quand même, comme ça. Et Ulysse, à voir ainsi mourir son compagnon Tlépolème, s'élança pour achever Sarpédon. Il tua Coiranos et Alastor et Chromios et Alcandre et Alios et Noémon et Prytanis. Il aurait continué à tuer s'il n'avait vu tout à coup arriver Hector, revêtu de bronze étincelant, effrayant. Hector, lui cria Sarpédon à terre, blessé, ne m'abandonne pas aux mains des Achéens. Sauve-moi. Permets-moi de mourir, si je dois mourir, dans ta ville. Hector ne répondit rien. Il le dépassa pour essayer de retenir les ennemis loin de lui. En le voyant, les Achéens commencèrent à reculer, sans tourner le dos pour fuir, mais en cessant de combattre. Et Hector, en avançant, tua Teutras et Oreste et Trécos et Œnomaos et Hélénos et Oresbios. Honte à vous, Achéens ! Se mit à crier Diomède. Quand le glorieux Achille prenait part à la guerre, ils n'osaient même pas sortir de leur ville alors, les Troyens, terrorisés par lui. Tandis qu'à présent, vous les laissez venir combattre jusque sous vos navires. Voilà ce qu'ils criaient. Et la bataille s'étendit partout dans la plaine. Les guerriers pointèrent les uns contre les autres leurs lances de bronze, partout, entre les eaux du Xanthe et du Simoïs. Je vis les Troyens, tous, faire demi-tour en courant, désespérément, vers leur ville. Je me souviens d'Adrestos, ses chevaux, fous de peur, butèrent dans un buisson de tamaris. Il fut jeté à terre, et aussitôt Ménélas fut sur lui. Adrestos lui saisit les genoux et se mit à le supplier. « Ne me tue pas, Ménélas. Mon père paiera n'importe quelle rançon pour ma vie, bronze, or, fer bien travaillé, ce que tu voudras. » Ménélas se laissa convaincre, et il s'apprêtait à le remettre aux mains de son écuyer pour qu'il l'emmène sur son navire, quand Agamemnon vint en courant et lui cria « Ménélas, tu es un faible, pourquoi te soucies-tu de ces gens ? As-tu oublié ce que les Troyens ont fait chez toi ? aucun d'eux ne doit échapper à nos mains, au gouffre de la mort. Aucun, même celui qui est caché dans le ventre de sa mère, aucun ne doit s'enfuir, qu'ils périssent tous en même temps que trois, sans sépulture et sans nom. » Adrestos était encore là, par terre, terrorisé. Ménélas le repoussa. Et Agamemnon lui-même lui planta sa lance dans le flanc et le tua. Puis il lui mit le pied sur la poitrine et avec force arracha de ses chairs la pointe de sa lance. Les Achéens nous pressaient et nous fuyions, vaincus par la peur. Nous étions à présent sous les murs de Troie quand Hélénos, un des fils de Priam, vint vers Hector et moi et nous dit « Il faut arrêter les hommes avant qu'ils fuient dans la ville et aillent se réfugier dans les bras de leurs femmes pour être la risée de nos ennemis. Aînés, arrêtons-nous pour combattre et encourager nos troupes. Et toi, Hector, pendant ce temps, monte dans la ville et dis-leur à tous de prier les dieux qu'ils éloignent au moins de nous Diomède, qui se bat comme un fou et qu'aucun de nous ne peut arrêter. Même d'Achille, nous n'avons jamais eu aussi peur. Crois-moi, Hector. » Va trouver notre mère et dis-lui, si elle a pitié de Troie et de nos épouses et de nos enfants, qu'elle prenne le plus beau et le plus grand péplos qu'il y ait au palais et qu'elle aille le déposer sur les genoux d'Athéna aux yeux brillants, dans le temple, en haut de la citadelle. Nous resterons ici, nous, pour encourager les hommes et combattre. Hector l'écouta. Il sauta de son char, se mit à courir vers les portes scellées. Je le vis disparaître parmi les hommes. Il courait avec son bouclier jeté derrière ses épaules et le bord du bouclier en cuir noir qui lui battait sur le cou et les talons. Je me retournai. Les Achéens étaient face à nous. Tous, nous nous retournâmes. Comme si un dieu était descendu combattre à nos côtés, nous nous jetâmes sur eux. Homère, Iliade, d'Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Elios Noël, Louis Arène et Nora Krief. Musique originale, Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Cédric Ossire.